Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. François Landry viendra désaltérer notre soif de politique avec son segment Logocratie 101. On apprendra comment mieux vivre notre vie dans une méga chronique les sous l'assemblage et on mangera ou boira quelque chose à notre traditionnel malbouffe de la semaine. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 20 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On t'en dirait les studios de Tifo à Trois-Rivières, là où se trouve en ce moment un lot de pâtisseries et... Dis-les pas, on va se faire voler. La chose galerie n'était pas ouverte, donc on nous a confié, parce qu'on est des gens de confiance, les pâtisseries du Panetier au centre-ville, bien sûr. Et ça sent tellement bon. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ça sent trop bon. Je suis tout ému. Mais là, on s'était dit, tu sais, non, c'est pas, on s'est jamais dit ça parce qu'on est déjà en net, là. Mais ce serait donc bon en manger une en ce moment. Mais il y a une liste d'exemplaires. Ben oui, sont comptés. Ça serait louche. Mais on n'est pas ce genre-là du tout. C'est entre bonnes mains. Pas du tout. On est des gens très honnêtes. Exact. Et au moins, nous, on sait que dans 2 heures ou 1 heure et demie environ, on va faire la malbouffe de la semaine. Donc, on va se mettre quelque chose sous la dent d'ici la fin de l'émission. Puis au pire, on va aller s'en acheter. Ben c'est ça. Parce que c'est pas cher à la chasse-galerie. Et c'est de la qualité. C'est ça la chose. Ah, si seulement il commençait l'émission, on pourrait avoir une pâtisserie par matin. Indice comme ça. Là. Donc aujourd'hui, l'émission, on va avoir François Landry à 8h30 pour sa chronique Logocratie 101. Son sujet d'aujourd'hui, Stéphanie, c'est référendum droit devant, point d'interrogation. Ah ok, tu ne l'avais pas dit avec l'intonation qu'elle avait avec le point. Référendum droit devant? ensuite de ça, on va voir aussi dans l'émission d'aujourd'hui les instructions d'assemblage. Donc, on va se renseigner sur comment mieux vivre, comment être honnête, comment être des gens, comment... Nous, on est comme des modèles pour les auditeurs d'assemblage requis, pour les requins. Des modèles, mon Dieu, rien de moins. Des modèles de la mode masculine et féminine. Oui, ou des modèles juste comme un patron, dans le sens un pochoir. Un pochoir. Dans le sens que tu es obligé de le suivre. C'est ça. Tu découpes autour du petit morceau de feutrine. C'est ça, c'est ça. À l'époque, on coupait autour de quelque chose d'un patron. Hein. C'est ça. Ouais, mais un patron, tu n'es pas obligé de te faire du linge en feutrine. Non. Mais pourtant... Ça a-tu déjà été à mode, la feutrine? Je sais pas. C'est cyclé. Quand est-ce que ça va revenir? J'ai une autre question. C'est quoi de la feutrine? Ouais, vraiment? C'est quoi ça? Moi, j'imagine. Tu sais, les petites feuilles comme semi-mousseuses, épaisses. Du primaire, là. Ouais, moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Ça sert à rien. Je sais à part pas. Faire des bricolages de fête des mères. C'est vrai que les cure-pipes, tu sais, les cure-pipes servaient à quelque chose pour, j'imagine, nettoyer des pipes. Hein, donc la feutrine devait avoir une utilité aussi, sinon on n'aurait pas inventé ça. Mais... On y repensera. On y repense. Mais on va débuter avec le bloc pub dans quelques instants, la chronique de marketing. Avant toute chose, par contre, avant vos pâtisseries fines du matin, voici une nouvelle pièce de Sexy Mathematics, le deuxième extrait de leur album Electronics CC, et ça tombe bien aujourd'hui, Winter. Ah, ouais. Tu me déprimes. Une grosse plaque de neige là, sur l'auto. Flac-a-flac. Ça fait des beaux bonhommes de neige. On va-tu faire des bonhommes de neige? Non. Non? Non. We'll be right back. Sexy Mathematics, la pièce Winter. Assemblage requis. Le matin comme ça, hivernal. Pourtant, elle est en train de se déshabiller dans le studio. C'est fait, il enlève sa veste. Mais il fait chaud. Il fait chaud, un peu chaud. L'hiver. Il fait chaud dans le studio. Donc maintenant, tiens, chaud, froid, peu importe, vous savez, peu importe le moment de l'année, vous allez avoir de la pub d'en face, c'est comme ça. d'en face. Et nous, on va vous en parler. Voici le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime Marineland. Je préfère le goût de Burger King. Pour papy, papa. I love you and I kiss you. $4.99 la minute. C'est le bloc pub où on vous parle de publicité, bien sûr, qui se déroule dans n'importe quel média, que ce soit dans l'affichage, la radio, la télé, les journaux. On s'en fout, en tant que ce soit du marketing. Donc, on commence avec une publicité, en fait, qui va s'afficher sur les machines distributrices. Tu sais, les machines distributrices, ça n'a pas vraiment évolué tant que ça, à part qu'on commence à prendre le débit, peut-être les petits tourniquets dans les machines de Coke. Mais là, ça n'a pas évolué. C'est quand même hot, là. Tu peux passer ta carte de crédit en avant puis te donne du stock. Oui. Avant, c'était des 25 cents dans les machines à peanuts. C'est vrai. Ça a un petit peu évolué, mais en tant que tel, les produits font juste sortir de la machine après avoir mis de l'argent, peu importe comment, dedans. Bon, si on s'entend là-dessus, tu mets de l'argent, que ce soit débit, crédit ou de l'argent, et ça sort un produit. Ça, oui, ce qui est un peu le principe d'une... Non, ça pourrait aller plus loin que ça, en fait. T'es devant la machine distributrice et tu te demandes, mais qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que je veux boire? Eh bien, un jour, ça va arrêter tout ça, parce qu'il va y avoir une machine distributrice qui va te donner le produit que tu veux par reconnaissance faciale. OK. Grâce à Doritos. Donc, ces machines connectées, fait intelligentes. Fait qu'ils donnent juste des Doritos. Ben, ça pourrait être ça pour commencer, oui. Donc, la compagnie de logiciel SAP, donc leurs machines ne vont pas seulement vendre de la nourriture, mais des produits électroniques et n'importe quoi d'autre qu'on pourrait inscrire sur un écran géant, sur un écran tactile. Ça va être livré directement à vous, selon Tom's Guide. Donc, sur ces gros écrans-là, couleurs, qui vont remplacer les écrans d'affichage normal d'une machine distributrice, ben, il va y avoir une liste de collations, de trucs que tu pourrais acheter. Et une caméra qui va être dirigée vers ton visage. La machine va être capable de détecter, de déterminer ton âge, quel genre, donc gars-fille, évidemment, tu sais, avec sûrement une marge d'erreur, mais quand même, et le produit que tu désires. OK? Et en même temps, tu vas te faire, évidemment, montrer des publicités parce que c'est un écran et pourquoi ne pas rentabiliser l'écran en mettant de la pub dessus? Hein? Sûrement que la caméra va pouvoir détecter si la pub t'intéresse après ça parce que la pub va être visée envers ton public. Toi, t'es une fille entre tel âge et tel âge, mais tu vas avoir une publicité qui va te cibler et l'écran va voir que tu veux ce produit-là. Ouais, je suis pas sûr que j'aime ça, moi. C'est un peu Big Brother, pas mal. Mais je sais pas, j'aurais l'impression qu'on m'impose quelque chose puis qu'on me catégorise un peu trop facilement. Tu peux refuser, j'imagine, mais ouais. Je sais pas. Et en même temps, ceux qui sont facilement influençables et qui veulent tout le temps essayer des nouveaux produits, comme moi, je vais tout le temps dire oui. Et là, en plus, c'est que, bon, ils vont accepter les paiements par carte de crédit, par argent et plein d'autres façons. Et la prochaine fois que tu vas utiliser ta même carte de crédit sur une autre machine, évidemment, vu que tout ça va être connecté à un réseau. Ben oui, il va te reconnaître. Il va savoir ton historique d'achat aussi, j'imagine. Il sait que tu prends un Doritos, mettons, tu sais, au fromage, peu importe, à chaque fois, ben il va te proposer ça pour commencer. Oui, mais toi, ce que tu te dis si influençable, et qu'en fait, moi aussi, je te dis influençable. Oui, merci. Mettons. T'as un goût de chocolat, t'arrives là pis ils te proposent des Doritos. Est-ce que tu vas vraiment faire comme « Ah oui, il a raison, c'est de tout ça que j'ai envie. » Non, je vais faire « Oui, il a raison, du Doritos, ça irait bien avec du chocolat, pis là, je prendrais deux. » Mais non, ils te le proposent à la place, là. Ils pensent que c'est ça que tu veux. Hey, ils essaieront pas de m'imposer des limites. Non. Je veux pas me faire brainwash, oui. Mais j'adore l'idée quand même. Je trouve le concept super le fun. Si seulement c'était pas du fait que c'est Doritos qui commence là-dedans. Même si j'aime Doritos, là, j'ai pas envie de me faire servir que des Doritos. Parce que, hey, t'as l'air d'être un gars qui voudrait des Doritos, toi. T'as l'air de ça? Moi, j'ai l'air d'un gars qui veut des Doritos. Non, c'est la machine qui me parlait. Okay. Elle a la même voix que moi parce que c'est un robot. Il peut t'imiter, you know? OK, c'est comme si tu te parlais. C'est ça. Et hey, je me convainc moi-même. Ensuite, tiens, une collection printanière pour une marque de mode qui engage seulement des top modèles avec un doctorat ou qui sont en chemin vers un doctorat. C'est Better Brand, un vendeur en ligne de vêtements en crowdsourcing, donc ça veut dire communautaire, si on veut, les gens peuvent faire leurs propres vêtements là-dessus. Donc, ils viennent de lancer leur ligne printanière et la compagnie a décidé de prendre une approche différente via de nouveaux looks de leur top modèle. En fait, c'est pas vraiment de nouveaux looks parce que les femmes sont quand même choisies pour leur beauté. Donc, même si elles ont un doctorat ou qu'elles sont en chemin vers un doctorat, ça ne veut pas dire qu'ils ont pris des modèles qui n'avaient pas un look modèle. Moi, je verrais bien Justine Renaud faire ça. Oui, tout à fait. Grande beauté, d'une grande intelligence. Vrai, ça. C'est une très bonne idée. On va lui demander. On va l'envoyer sur Bella Brand. Donc, la nouvelle collection, comme je disais, a des femmes très attirantes, très minces et pas mal toutes blanches. Donc, il y a quand même pas tellement d'évolution de ce côté-là. Les top modèles sont presque toujours les meilleurs, pas les meilleurs amis, mais des amis de l'équipe de chez Bella Brand. Donc, leur famille, leurs collègues, etc. Cette année, ils ont demandé à quelqu'un qui avait une étudiante en neuropsychologie de Stanford, en fait, qui vient de graduer. Ils lui ont demandé de demander à ses amis d'être top modèle. Donc, c'est comme un crowdsourcing, encore une fois, dans cet aspect-là. Donc, ça va très bien jusqu'à maintenant. Beaucoup de tweets, beaucoup de ventes, disent-ils. Que du positif. Par contre, comme j'ai dit tantôt, certaines personnes sur l'article mentionnent que les top modèles sont presque toutes blanches. Il y a une personne noire à la toute fin de la liste. Mais qu'est-ce que ça change? T'es obligé de prendre moitié-moitié pour être correct? C'est ça le problème de nos jours, c'est que les gens voudraient que... Tu sais, mettons, eux, ils ont demandé à l'ami de ses amis. Donc, elle, ça donne à avoir que les amis blanches, tu sais, mettons. Fait que, puis ils ont eu comme 75 candidatures et la plupart, j'imagine, étaient blanches. Donc, tu y vas avec ce que t'as. Mais c'est ça, c'est un ratio. C'est là, je veux dire, on s'entend dans l'université où elle allait, dans le village où elle allait. Il n'y a peut-être pas nécessairement une grande population noire, asiatique, je sais pas, mexicain, espagnol, tu sais, je sais pas. Tout à fait. Et ça devient compliqué de devoir faire attention pour que le public soit d'accord avec ce que tu fais. C'est donc, en allant chercher les gens. Ça commence à être beaucoup de travail. Puis pourquoi faire attention? Je veux dire, t'es pas supposé les insulter. Non, c'est ça. C'est pas insultant. Ils ont pas dit « on n'en veut pas ». Exact. Il y en a une. Et c'est « inscrivez-vous aussi », je veux dire, c'est ça. En tout cas, bref. Je pense que les gens paniquent un petit peu pour rien des fois. À peine, tu sais. T'as bien raison là-dessus. Je suis bien d'accord avec toi. Ensuite, tiens, on passe à des panneaux publicitaires dans la rue. C'est toujours bien beau, ça, de se faire harceler par des panneaux publicitaires à chaque pas qu'on fait dans la rue. Et bien ici, ça pourrait être quand même intéressant. C'est pour ramener l'été en permanence, si on veut. Donc, quand on voyage jusqu'en Nouvelle-Zélande, il y a une nouvelle publicité pour une compagnie de liqueurs, de boissons gazeuses, L&P. Pour rappeler aux gens de s'accrocher à l'été, les annonces vont donner donner aux gens des affaires d'été, des affaires estivales. Donc, par exemple, tu peux enlever une serviette de plage, tu peux enlever des sandales de la pancarte. Tu vois la pancarte dans la petite vidéo? Il y a c'est du caoutchouc, l'affiche. Et c'est comme un casse-tête, un peu comme les casse-têtes pour enfants avec des petites punaises, des petites pinouches dessus. Là. Donc, les flip-flops, les sandales sont un morceau du casse-tête. Tu retires le morceau, tu portes. Mais en fait, c'est comme un casse-tête pour enfants, tu sais, avec j'ai juste le frame, là, la base en bois, puis tu peux insérer les motifs à l'intérieur, mais tu as déjà le dessin derrière. Donc, la publicité reste là, mais tu peux partir avec des sandales. C'est vraiment cool. C'est ça, il n'y en a pas pour tout le monde. Évidemment, j'imagine que la publicité est remise en place à la fin de la journée avec d'autres sandales et d'autres serviettes de plage. Mais l'idée est absolument fabuleuse. C'est pour promouvoir donc une boisson gazeuse et en même temps, par association, un petit voyage en Nouvelle-Zélande, hein? Touristique un peu. Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'après ça, les gens qui ont pris les serviettes de plage, les sandales, mais ça fait déjà une publicité à long terme qui reste, puis ça la répand un peu partout. Exactement. C'est brillant, c'est tout à fait brillant. C'est ça le marketing et c'est la raison même de cette chronique-là de Bloc Pub pour montrer des trucs comme ça. J'aime vraiment ça. Et encore une fois, la Nouvelle-Zélande qui est dans l'autre hémisphère, donc c'est l'été en ce moment, la fin de l'été. En plus, c'est touristique. Je sais pas, moi, je comprends rien quand c'est... C'est le contraire. C'est rond. Bref. Moi, ça me mêle. C'est rond, ça me mêle. Bon. Maintenant, une agence publicitaire qui veut engager des gens a trouvé une nouvelle façon de le faire. C'est en cachant un téléphone à l'intérieur d'un livre de marketing. Donc, c'est la compagnie FP7 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, qui prend donc une nouvelle approche. Ils ont placé comme jet des téléphones cellulaires à l'intérieur de faux livres. Des livres avec, découpage dans le milieu pour qu'on puisse une petite boîte, genre, dans le milieu du livre où on peut insérer quelque chose. Ah, ils font ça dans une T9. Ah oui, la drogue. Dans la bibliothèque. Aïe, aïe. Pas juste de la drogue. Ouh! Moi, je pense que je vois le genre. Les volumes, donc les livres, étaient quand même un design intéressant, étaient personnalisés pour chaque recrue. Parce que vraiment, cette agence de publicité-là, FP7, cherchait des recrues particulières. Donc, il y a un gars qui était amateur de Coke. Donc, le livre était aux couleurs de Coke. Coca-Cola. OK, donc, merci. C'est ça. Parce que tu parlais de drogue juste avant. Unité 9, exact. Donc, le même style de caractère et promettait de travailler, de faire des campagnes créatives pour les marques les plus cool de la planète. Donc, ça a impressionné ce gars-là. Le numéro de téléphone pour le Creative Director de chez FP7 était programmé dans chaque téléphone. Donc, évidemment, le seul numéro était le numéro pour l'agence. La FP7 a fini par ajouter 4 personnes clés à son équipe, un art director, donc un directeur artistique, un chef designer, et donc c'est ça, ils ont ajouté des gens comme ça. Ça leur a coûté 80 000 $ de prix de recrutement, ce qui est pas mal plus cher que le recrutement normal, traditionnel, mais au moins, ça fait parler d'eux, et ça fait qu'ils trouvent des gens qui ont les talents, vraiment, parce qu'ils ont, ils sont allés avec quelque chose de créatif, ce qui va attirer des créatifs, évidemment. Très intéressant. Très cool. Ensuite, un photographe qui invente une carte d'affaires qui vous permet de jouer au Tetris. Ah, ça, j'aime ça. Et tout ça pour 30 $ parce que vous allez potentiellement pouvoir en acheter vous-même. Donc, les cartes d'affaires, c'est déjà assez rétro dans un monde de technologie, de messages texte et Facebook et autres LinkedIn. Donc, un photographe basé à Portland, Kevin Bates, a fabriqué des cartes d'affaires qui sont aussi un jeu Tetris jouable. Il appelle ça le Ardu Boy parce que c'est un clone de Game Boy, mais fabriqué sur une planche Arduino. Ça, c'est une planche d'ordinateur, une carte mère, si on veut, une carte maîtresse, c'est ça. Donc, il n'y a que la place pour l'essentiel là-dessus. Donc, il y a des flèches, bien évidemment, 4 flèches au bas gauche-droite, 2 boutons et un petit écran OLED. Évidemment, il y a beaucoup de soudure à faire là-dedans. Donc, pour l'instant, Bates ne pourra pas juste distribuer ça n'importe où comme une carte d'affaires normale. Mais avec une campagne Kickstarter qui vient de démarrer, Bates dit que son but est de vendre des cartes similaires pour 30 $ chaque plus tard, avec une version faite à la main pour 50 $, une version personnalisée pour 100 $ avec un petit décor, peut-être des images dessus. Il cherche une compagnie, évidemment, pour les fabriquer, pour réduire encore le prix de plus en plus. Puis, il en fera en grand nombre. Moi, ça va coûter cher. Il dit qu'il va sortir les plans de l'Ardu Boy et le code source de façon publique très bientôt. Donc, vous allez pouvoir, si vous êtes connaisseur dans le domaine, vous en faire vous-même gratuitement. C'est très petit, hein? Ça doit pas être évident de jouer à Tetris là-dessus. Mais vraiment, je pense que c'est pas ça le but non plus de faire des scores. Tu vois qu'il y a une carte normale cadeau juste à côté. Pour l'épaisseur, c'est un petit peu plus épais. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment mince pour ce que ça fait. Vraiment? Puis je me dis, mais c'est un peu cher quand même, hein? 30 $ par carte. Parce que t'es supposé pouvoir distribuer ça à volonté. C'est ça. Donc, poussé par le vent. Donc, ouais. Tu te dis, si tu commences à distribuer ça, c'est parce que t'as déjà une grosse compagnie. Ouais. C'est ce que je me dis aussi. Et l'écran est tellement petit que la carte, imaginez-vous la carte d'affaires, elle est à la verticale et non pas à l'horizontale comme on s'attendrait. Donc l'écran est tout petit en haut de la carte si tu tiens à la verticale. Fait que c'est encore plus difficile à tenir. Moi, je pensais qu'il l'aurait fait à l'horizontale. T'sais. Mais bon. Mais c'est la forme de Game Boy. Exactement, la forme de Game Boy avec pas les couleurs parce que c'est rouge Bourgogne, sûrement sa couleur préférée. Ensuite, on revient aux pancartes à l'extérieur, sur le bord des autoroutes, dans ce cas-ci, à Boise, en Idaho. Il y a une compagnie qui s'appelle Woodland Empire Alecraft. Donc ça, c'est une compagnie qui fait de la bière. Et ils ont trouvé, eux aussi, une approche très, très unique pour promouvoir leur compagnie. Donc, c'est directement à côté des pancartes d'autoroute et c'est en forme de pancarte d'autoroute. Donc, c'est vert, un arrière-plan vert et le lettrage blanc. Et ça lit, on peut y lire, Craft Beer. Et puis, il y a la portion jaune comme sur les pancartes qui dit, genre, par ici, pour vous rendre chez Craft Beer. C'est vraiment cool. Très bonne idée. Évidemment, ça pourrait peut-être rendre certains chauffeurs, conducteurs confus. Donc, le creative director, directeur créatif de la compagnie et de l'agence, Oliver Russell, dit que tous les panneaux vont distraire les gens, particulièrement ceux qui sont bons. Ils avaient eu au départ la permission de la ville de Boise, en Idaho, pour mettre leur pancarte à proximité des autres pancartes d'autoroute. Mais finalement, ça a attiré l'attention du Idaho Transportation Department, qui leur ont demandé d'enlever les pancartes. Mais pour l'instant, ils sont encore en pourparler, en discussion. Et pendant ce temps-là, ben, y a quand même 37 000 personnes qui passent devant par jour. Donc, Oui, parce que c'est vraiment à s'y méprendre, là. T'as l'impression que c'est une vraie pancarte. Tu la regardes, tu fais comme, oh, de la bière? Oui, puis tu vas dire, tu sais. Non, c'est vraiment cool. Puis tu vas vraiment y porter attention, contrairement à souvent, justement, des affiches de publicité. Tu le sais déjà, c'est une publicité. T'as pas tellement le temps de le regarder. Mais là, pour conduire, tu prends un peu plus le temps de le regarder, donc t'as comme pas le choix de l'avoir. Là. C'est vraiment ça. On est rendu où il faut être très, très particulier et spécial. Faut être sélectif, là, sélectif. Dans nos choix. Dans nos yeux. Dans nos yeux. Coke. On revient à notre célèbre drogue préférée, le Coca-Cola, hein, qui met des vrais personne du cinéma dans lequel la publicité joue, là, c'est une publicité au cinéma, et insère les gens du public dans la publicité sur le grand écran. Ok, ça a l'air bizarre, donc c'est pour encourager les gens à rester silencieux pendant le film et ne pas parler sur leur téléphone cellulaire ou peu importe. Donc au Danemark, chez Sachi, au Danemark, on a filmé des membres du public dans le lobby en train de boire leur liqueur. Donc, tu sais, avant d'entrer dans la salle de cinéma, tu es en train de boire ta liqueur un petit peu. On t'a filmé de très, très près. Et ensuite, on a très rapidement, là, c'est vraiment, les gens ont travaillé super vite dans leur logiciel. Ils ont découpé ces gens-là pour les mettre dans la bande-annonce, la publicité de Coca-Cola, dans le film qui était à l'affiche en ce moment même. Donc, en plein milieu des bandes-annonces, le téléspectateur se voyait lui-même à l'écran dans des films, dans des scènes de sexe, etc. Et donc, on les voit en train de faire des sons fatigants. Ils ont évidemment rajouté des effets sonores de liqueur comme ça. Donc, c'est difficile de penser que c'est que ça n'a pas été arrangé à l'avance, tellement que ça a été fait rapidement. Je me demande si peut-être que les gens qui sont insérés dans le cinéma sont, dans le fond, peut-être des gens qui travaillent pour Coke. C'est ce que je me suis dit. Mais bon, ça fait quand même une bonne chose, une bonne publicité. Et si tout va bien, dans quelques instants, on va pouvoir regarder à la radio, comme on aime le faire une fois de temps en temps, une publicité. Voici Slurp de Coca-Cola, tout de suite dans le bloc pub. Je vais vous expliquer, évidemment, avec ma suave voix. Allez, vas-y, fais-le. Chaque année, Coca-Cola rappelle aux gens de rester silencieux au cinéma, parce que quand vous faites du bruit, vous faites partie du film. Et c'est juste pas pareil quand vous êtes dans le film. Nous vous présentons le Coca-Cola Slurp. Oh, excuse, je voulais pas vous déranger. Donc, on voit un restaurant Palads de l'extérieur. On en fait non, au cinéma, je m'imagine ça. Donc, on installe les caméras. Le petit décor vert en arrière est transportable. Donc, vraiment, c'est qu'on a mis, on a fait exprès pour mettre les gens devant ce panneau-là sans qu'ils s'en rendent compte. Ben oui, en tout cas, s'ils l'ont pas vu, tu sais. Ouais, genre. Donc, tout est installé, parfait. On amène un ordinateur, un Mac Pro, le plus cher de la gamme, avec les montants. Et on dit, nous dit, voici les victimes. Donc, vraiment, les gens jasent devant l'écran vert, paradon total. Le gars slurp sa liqueur. L'autre parle au téléphone. Mais évidemment, là, ça a vraiment l'air coaché, je trouve, là, personnellement. Mais bon. Oui, ça a l'air coaché. Énormément. Donc, on sort la cassette de la caméra. Oh là, il y a un plan où tout est en accéléré. On court jusqu'à l'ordinateur. Le monteur est prêt, fidèle au poste. Tout le monde s'assoit au cinéma. Le gars enlève le décor derrière. L'insère. Est-ce que tu peux faire ça vraiment aussi vite que ça? Quand t'es un professionnel, j'imagine que c'est de pouvoir. Mais tu sais, on voit qu'il va quand même à grands points autour de la tête. Mais étant donné que l'écran vert est derrière, ça simplifie énormément la tâche parce que c'est fait exprès pour ça. Et avec l'éclairage qui était ajusté en conséquence aussi, ça doit être quand même assez simple. Et c'est qu'on peut placer les faces des gens dans différents calques. Le film avait été filmé pour ça. Donc, derrière et devant les gens. Là, on voit évidemment l'extrait du film d'amour, super romantique, rétro. Avec, bon, il s'embrasse, là. Oui, ça s'embrasse, ça se touche aussi. OK, non. Et là, on voit que le gars, ses yeux sont situés directement vers les fesses de la fille. C'est clairement arrangé, là. Ben, c'est sûr qu'ils l'ont sûrement placé du bon côté pour qu'il regarde les fesses. C'est ça. Mais les mouvements qu'ils font faire aux gens dans le film, parce que genre l'image n'est pas juste présente avec la face du gars, c'est que la face arrive en bougeant, genre comme s'il marchait derrière la scène de sexe. Et là, tout le monde qui a été utilisé pour ça, on les voit un après l'autre dans la séquence, et à la fin, tout le monde est dans la séquence derrière le couple, derrière le lit, en train de les regarder faire leurs choses. C'est très drôle, ça doit être vraiment drôle de se voir dans cet extrait-là. Ouais. Et même si c'est arrangé avec des acteurs, c'est même pas grave, le concept est trop fantastique. Ben oui, même si c'est arrangé, j'imagine que ça se fait pareil. Exact. Arrangé ou pas. Ça doit être juste plus de travail à trouver les bons visages, les bonnes expressions et les bonnes positions. Exact. Alors, en tout cas, j'aime beaucoup ça. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. C'est toujours le bloc pub où on parle évidemment de publicité. Allons-y avec une compagnie pour des bas. C'est une compagnie européenne qui fait, selon certains, la promotion de l'inceste, la nudité, les sacres et l'euthanasie. Ça a l'air bon, hein? OK. Donc, il y a de l'humour sombre, il y a de l'humour morbide dans la vie, mais ensuite, il y a aussi ces publicités françaises-là pour une compagnie de bas qui s'appelle Burlington Socks. Leur plus récente publicité ouvre sur un lit de mort. Le grand-père est en train de mourir, s'accroche à cette dernière seconde. Et son fils, son petit-fils, en fait, qui a l'air sympathique au début, remarque que l'homme mourant porte de très beaux bas. Donc, il décide de se moquer de la souffrance de son grand-père et il le tue pour ses bas, hein? Donc, l'euthanasie, et c'est même pas leur pire publicité pour cette compagnie, la marque allemande, donc c'est une marque allemande de bas, mais par une agence française, Pain Surprises. Pain Surprises, douleur, surprise. Surprise et douleur. C'est ça, on ne sait pas encore s'ils ont vraiment eu un contrat avec la compagnie de bas ou si c'est vraiment juste une publicité qu'ils ont fait comme ça pour le plaisir. La presse française a tendance à dire que c'est une vraie campagne, mais la presse, en général, dit bien des affaires. C'est ça, vous pouvez aller voir les publicités. On va nous-mêmes aller en écouter une, si ça te tente. Ben oui. Publicité de Bubba. Excuse, je suis un peu scandalisée présentement. De tuer quelqu'un pour les bas ou? Non, en fait, c'est la deuxième qui... Est-ce que tu veux qu'on regarde la deuxième? Oui, parce okay. que moi, la première, là, ça me dit que cette vidéo est privée. J'y ai pas accès. D'accord. Donc, Can You Suck Me pour Burlington Sucks. On ouvre il a, dans... Il y a un O vas-y. Dans le mot. Dans quel mot? Sucks. Sucks, oui, c'est ça. Suck me comme... Ouais. Donc, on est dans une cuisine. Le fils dit maman, la mère, oui, chérie. Est-ce que tu peux me, ben, t'sais, me sucer, si on veut? Non, est-ce que tu peux me bas? Me bas, c'est ça. Bien sûr, il laisse lécher les doigts. C'est ça l'inceste dont j'ai parlé. You're so cute. Oh, t'es tellement mignon! Et là, elle descend, évidemment, là, on la voit plus. Et là, il y a des bas qui apparaissent à l'écran. Burlington, c'est une question de détail. Et là, le garçon porte ses bas. Remet ses bas. Oui, l'idée est à la fois bonne, mais déplacée. C'est vraiment déplacé. Je vais regarder une autre. La troisième? En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est à cause qu'il y a un enfant en jeu. Oui, c'est vrai. Ah, si ça avait été juste un couple normal, puis Can You Suck Me, ça aurait pu être drôle, j'avoue. C'est ça. Ouais. Un j'avoue. Couple, OK. Mais un enfant, est-ce que c'était nécessaire? Look at me, motherfuckers. Regardez-moi, bande d'enfoirés. Il y a des sous-titres en bas, je vais les lire. Comment ça va ce soir? C'est la dernière pub. Je suis là pour vous dire quelque chose de putain d'important. J'en ai ras-le-bol de voir tous ces branleurs se battre pour se distinguer. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Bande de nazes. Il y a que ça de vrai. Il est tout nu, là. Il est sur un fond blanc, il est tout nu. Il y en a sûrement qui ne vont pas comprendre et penser qu'on est tous les mêmes. Eh bien, je vous dis d'aller vous faire voir. Je sens sur nous. Cassez-vous. Laissez-moi à poil tout cuit. Tout seul ici, je m'en fous. Bref. Ne retenez que ça. Je porte des Burlington et j'en suis putain de fier. Et il y a des bas. Donc évidemment, le gars était tenu sur un banc et il portait que des bas. Les jambes croisées. Les jambes croisées, oui, évidemment, de façon tout ce qu'il y a de plus masculine. Voilà, ça c'est ben super. Ben oui, parce que c'est, en tout cas, tout nu avec des bas. Tout, tout avec le monde bas. Le sait que... Ça t'attire tout de suite. Le reste, il nous reste plus de vidéos, donc on va y aller avec que des articles pour les derniers. Allons-y avec Duracell et on s'en va à Montréal, en fait. Une fois de temps en temps, on parle de publicité québécoise, ça arrive. Et rien n'améliore un passage dans un arrêt d'autobus, donc un abribus, comme évidemment touché à des étrangers. Je pense à votre soi, t'es dans l'abribus, tu te colles contre des étrangers, c'est super le fun. Donc, Moments of Warmth, moment de chaleur par Cossette Communication, c'est une campagne pour Duracell. Donc, on prend des gens dans le transport public à Montréal, où il fait évidemment tout le temps froid l'hiver, et on ajoute un circuit dans l'abribus et des trucs chauffants, je l'ai masculin, dans les côtés, OK, et on doit mettre sa main sur chacun des côtés. Évidemment, quand on est deux, c'est pas assez. Donc, il faut se relier à trois personnes minimum. Une personne touche la main sur un côté de l'abribus, l'autre personne sur l'autre côté. Il y a des symboles pour vous le montrer. Une personne dans le milieu et là, tout le monde se touche les mains et ça fait un conduit qui va rendre l'abribus plus chaud. C'est pas hygiénique. Pas tout à fait, non. J'aime pas ça. Moi non plus. Mais quand même, l'idée est originale et c'est pour une marque de batterie, donc Duracell Quantum. Et c'est ça. Ben, évidemment, l'article de Adweek.com nous dit que ce serait encore plus amusant si les personnes s'embrassaient pour faire, pour faire le contact. Encore moins hygiénique. Encore moins. On ne sait jamais qui on rencontre dans un abribus. Ouais, non, c'est ça. C'est pas nécessairement quelqu'un de propre là, qui va t'aider à créer la chaleur. Là. En fait, c'est les chances sont bonnes que ce soit pas quelqu'un de propre. Donc, ouais, tout à fait. Donc, c'est ça, l'hiver où il fait froid, on nous dit dans la publicité que les moments de chaleur sont très rares. Donc, on aide à vous en ajouter plus. En fait, ça dit que c'est dans un abribus, mais je vois une pancarte du métro. Donc, je crois que c'est près d'un arrêt de métro. Mais peu importe, c'est à Montréal. Ben oui, c'est sûr que le métro, tu prends ça dehors. Non, c'est ça, c'est que je pense qu'à à Montréal, genre, c'est la même compagnie qui fait les autobus puis les métros. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on montre une pancarte de métro. Mais bon, tu vois que je connais pas bien ben ça. Ensuite, on parle de Miam Mix. Tu connais Miam Mix pour leur publicité qui est miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Tu connais ça, non? Bon. Donc, Miam Mix, regarde la télé américaine et tu vas voir ça une fois de temps en temps. Je regarde pas les annonces, peu importe où. Tu fais bien, puis c'est gossant cette publicité-là. En plus, c'est vraiment pas la meilleure. C'est mais... fun que tu la connaisses. Ben, je la connais parce qu'elle est gossante et c'est justement une très bonne tactique de marketing. Je pense que les compagnies l'ont compris. Être gossant, ça fonctionne. Donc, la marque de nourriture pour chat, donc Miam Mix, sort un nouveau concept amusant. On connaît tous Kickstarter, donc où on peut vendre l'idée d'un produit. Si tu ramasses l'argent, tu peux ensuite le produire. La compagnie de Miam Mix a fait Catstarter, donc un nouveau crowdsourcing pour les inventions reliées au chat. L'agence publicitaire EVB a conçu ce site-là. C'est une façon de ramasser des nouveaux produits, des nouvelles idées de produits, focussées évidemment sur les félins. Donc, on dit qu'à la place de backer, comme on fait sur Kickstarter, sur Kickstarter, à la place de faire ça financièrement, tout ce qu'on fait, c'est cliquer sur ceux qu'on aime et Miamix va produire les plus populaires à la fin. Le site a été lancé avec 3 produits et les meilleurs votes vont aller en production. Le meilleur vote, pardon. Va en production ce printemps. C'est comme un laboratoire de recherche et développement, sauf que t'as pas à payer les gens. Puis il y a un chat dedans. Et il y a un chat dedans. On se fait faire ta job par le grand public. Et le chat. Et le chat. Oui, j'imagine que le chat pourrait être... Hier, au Mathieu Planchot, on parlait d'une application pour chat pour prendre des selfies de chat. Donc peut-être que ton chat, après avoir pris un selfie de lui-même, va pouvoir aller voter sur Internet. Si tu prends la même application avec un petit point rouge, t'as un petit point rouge. Hein? Fait que tu prends un laser rouge, tu pointes l'écran et ton chat va cliquer. Pouit! Tactile! Cool. Tactile! Et un petit dernier, c'est une publicité un petit peu déprimante. Par contre, c'est pour vous encourager à attacher votre ceinture. Évidemment, c'est difficile de convaincre les gens d'attacher leur ceinture. C'est difficile de convaincre les gens de ne pas texter au volant. C'est difficile de dire aux gens de ne pas boire au volant. Donc, imaginez, il faut y aller quand même intensément. Donc, le bureau de la compagnie Gyro à Dubaï a sorti une nouvelle campagne pour éduquer les gens sur l'importance de porter une ceinture de sécurité, surtout dans le siège arrière. Donc, la campagne, ça s'appelle en fait « Buckle up in the back », donc « Boucle-la à l'arrière ». C'est des guides instructifs, si on veut, d'instructions. « How to get around in a wheelchair », par exemple, donc comment se promener en chaise roulante. « How to change your colostomy bag », comment changer ton petit sac où tu fais, dans le fond, ton petit sac attaché à l'estomac, tu fais tes besoins là-dedans, puis tu vides ton sac, etc. C'est bon. Il y en a qui ont ça après avoir eu des accidents de voiture. Donc, c'est vraiment une feuille d'instruction qui vous montre ça. Et en bas, ça dit, ça pourrait vous arriver si vous n'attachez pas votre ceinture. J'aime ça. En plusieurs étapes détaillées avec des dessins et tout. Là. Oh oui, j'aime ça. Faut que tu aies choqué les gens, sinon tu réalises pas à quel point c'est important des fois. Vraiment. Donc, si vous voulez les étapes, vous-même, pour changer votre petit sac à besoin. Je sais pas si en français, c'est colostomie. J'en ai aucune idée. En tout cas, en anglais, c'est colostomie. Colostomie, voilà. Fait qu'en français, tu mets le « ie ». C'est comme ça que tu m'as appris à traduire. C'est ça, exactement. Ouais. Ça fonctionne pas tout le temps, mais bon. Colostomie, qui est aussi le nom des intimidateurs dans les écoles secondaires qui s'appellent Tommy. On va les appeler dorénavant Colostomie. Donc, salut, Colostomie. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Et j'ai regardé ces colostomies en français. Tu vois, c'est pour ça que je mets IA en français, parce que c'est tout le temps ça. Ben oui, c'est une sorte de stomie. Ah, ben ça. Et c'est vrai, ça dit c'est une sorte de stomie. Bon, fait que salut, Stomie. Voilà pour le bloc pub. On fait ça aux 2 semaines, les jeudis matin, en début d'émission, ici, Maman Assemblage Requis. On est rendu à la pause déjà et au retour, plein d'autres choses, entre autres les instructions d'assemblage. Et François Landry va être là pour sa chronique. Logocratie 101, c'est dans moins de 3 minutes. Assemblage Requis, reste génial. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 20 mars 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Tantôt, on va faire les instructions d'assemblage. On va vous dire comment mieux vivre votre vie. On est comme ça. On est des parents poules envers nos petits requins. Donc, c'est cute, hein? Ouais. Mais avant ça, tantôt, on a fait jouer Sexy Mathématiques. C'est la pièce Winter. Tu te rappelles de ça? Oui. C'était il y a environ une demi-heure. Hein? À peu près. On va faire le contraire. Voici le Roi Soleil de Mordicus. Ah, je pensais qu'on allait jouer Summer de... J'ai pas ça. Ça aurait été mieux, en fait. Summerland? Un million de questions restent sans réponse. Dans l'irrationnel, la vérité personnelle. Alors je crois en... Pour savoir qui il est, je regarde le sol. retour à l'été, le roi soleil, Mordicus. Ah oui, il fait chaud, là. Ouf, mais ça, ouf, il fait chaud. Sais-tu ce qui est bon pour quand il fait chaud? Enlever notre brassière. Ouais, des conseils comme ça, c'est ce qu'on a dans les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Piperon, piperon, piperon. C'est les instructions d'assemblage où on vous fournit un paquet d'instructions, vous l'aurez compris, pour bien vivre votre vie. Par exemple, est-ce que vous avez l'envie de peinturer une pièce dans votre maison? Stéphanie, je sais que tu déménages bientôt. Oui, ben c'est sûr que je vais peinturer. Et il va falloir que tu les peintures d'une façon originale, sinon tu vas avoir l'air juste d'un appartement peinturé. Tout le monde peut peinturer l'appartement, il n'y a rien d'original là-dedans. T'as raison, il n'y a rien d'original là-dedans. Même, il n'y a rien d'original. Donc, à la place de tout ça, tu utilises la même façon, la même technique avec un rouleau. Bon. Essaye d'ajouter un effet cool, par exemple, d'entourer des élastiques autour de ton rouleau de peinture, mais d'une autre couleur. Tu pourrais toujours tremper, mettons, tes élastiques dans une autre couleur de peinture qui s'agence bien avec la couleur principale. Et ton rouleau, en tant que tel, a une certaine couleur. Et là, quand tu vas passer sur ton mur, ça va pouvoir faire des stries. T'sais? Attends, fait que toi, tu penses que... Je vais prendre mes élastiques, je vais les tremper dans la peinture, puis je vais les mettre après sur mon rouleau pour avoir les doigts tout beurrés. Ben, une autre alternative serait de prendre, de juste peinturer, mettons, peu importe la couleur, là, mettons gris pâle, mettons au complet ta pièce normale. Et ensuite, tu rinces le tout, tu laves le tout, et là, tu mets tes élastiques sur ton rouleau. Ben et oui, après c'est ça, un tu peu vas dans mieux, ton autre peinture, puis là, tu passes par-dessus, mais les deux fonctionneraient. Ben. Différemment, j'imagine. Honnêtement, je trouve ça laid. Bon. Mais OK. C'est un genre. Ça peut être peut-être le fun d'une chambre d'enfant. C'est peut-être à cause de la couleur, mais... Ben, c'est ça, ils ont choisi du rose ici, c'est peut-être pas parfait. Là. Mais je crois en fait que c'est parce qu'elle le fait trop serré. Ah, ouais. Elle l'a trop repassé souvent, fait que ça fait juste comme des beurasses. Mm. Mais je pense que si tu passes juste une fois, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Ça pourrait. Bon, ah, j'ai fait un test avant au pire, tu sais. Essayez-le sur un petit coin, là, comme ils disent de faire. Là, essayez sur un endroit pas trop visible. Pour tester si t'es allergique, là? Ouais, c'est ça. Dans le garde-robe, mettons. Dans le garde-robe, ça pourrait être un bon endroit. Donc, le prochain, vous allez devoir patienter quelques instants pendant que je rouvre la fenêtre qui s'est fermée. C'est super. Ça va des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent beaucoup trop souvent. Donc, on va y aller avec... on va aller comme ça, ici, avec celui-là, tu sais. Oui, tiens, de mouiller un peu, juste humidifier, si on veut, un gant de caoutchouc et de l'utiliser pour enlever les poils de vos animaux de compagnie sur vos meubles. Juste humidifier un petit peu un gant de caoutchouc et vous allez pouvoir juste passer, ça va facilement enlever les poils de votre animal de compagnie, nous dit-on. Moi, je préférais y aller avec un petit truc à poils, les petits rouleaux à poils. Mais pas, tu fais pas ça sur un meuble, tu fais ça sur du tissu. Ah ouais, sûrement plus. Je sais pas. Non, moi, je fais ça sur tout, je fais ça sur le divan. Moi, j'ai un petit mais truc, oui, sur le divan, c'est en tissu. Ouais, ben c'est ça. Ouais, mais tu viens de dire sur un meuble, tu fais pas ça sur une table? Non, peut-être pas sur une table, ouais, j'avoue. Mais c'est parce que tu dis un meuble, on s'entend, c'est vaste, là. Meuble dans ma tête, c'était automatiquement un divan, j'avoue que c'est y a pas mal plus que ça dans la catégorie meuble. Oh boy. Ensuite, on nous dit de mettre on dirait que je cherche tous mes mots aujourd'hui. Oui, mots. Est-ce que je peux t'aider? Une allumette. Je crois que c'est allumette, Mathieu, Merci. Tu m'aides beaucoup. Donc, une allumette, on dit de mettre les allumettes dans un pot maçon, d'accord? Et d'ajouter un morceau de papier sablé sur le couvercle. Tu sais, le couvercle, c'est en deux morceaux. Tu peux enlever le petit cercle, oui. Remplace le cercle par du papier sablé, revisse le tout dessus, et tu vas pouvoir, après ça, prendre une allumette dans ton pot maçon, revisser l'affaire, et chouic sur le papier sablé pour démarrer, pour mettre le feu à ton allumette. OK, mais ça se vend pas dans des boîtes, des allumettes avec déjà le petit papier. Ouais, mais c'est les plus longues, des trucs comme ça, tu sais. Mais ça se vend pas en boîte, ça? Ouais, j'avoue que ça se vend en boîte aussi. Là. Mettons que t'as perdu la boîte. OK. Mettons que tu vas en acheter en gros emballage. Un gros emballage, t'as trouvé un deal, un méga deal sur les allumettes, là, dans ton magasin d'entrepôt préféré. OK. Il y avait comme 100 allumettes, puis t'as perdu le petit papier sablé à côté. C'est bon, OK, là, je suis d'accord. On se trouve on a des solutions qui cherchent des problèmes, je trouve, dans ce cas-ci. Ensuite, dans votre cuisine ou peu importe, vous voulez faire un nouveau décor, style genre nouveau genre, si on veut. Donc, on nous montre ici comment faire un mur à partir de scène noire. Ah ouais? Tu sais, les sets noirs qui ne sont plus valides, tu sais, je veux dire, ça existe encore si vous les avez, mais à un moment donné, ça va finir par s'éteindre. Ah, vous en avez. Tu peux les déposer, j'imagine? Tu peux les échanger contre de la vraie argent. Dans une machine qui prend 30% de cote ou encore dans une banque. Donc, on vous montre comment faire en photo sur assemblagerequis.com. Ça a l'air d'être un processus quand même assez... genre, les coller sur le mur, c'est pas juste de mettre de la colle en arrière puis les sacrer sur le mur. Ça a l'air d'être plus une feuille autocollante derrière et une feuille autocollante transparente à l'avant. Donc, tu mets le collant double côté sur le mur. Tu mets tes pièces de monnaie à distance égale ou collées les unes sur les autres. Et ensuite, tu rajoutes un papier transparent par-dessus pour évidemment sceller le tout et pas faire que t'es saine à la vue. C'est très beau, sauf que moi, je suis pas manuel du tout. Non. Je suis pas du genre à partir des projets comme ça. Mais moi, ce que j'ai de la difficulté, c'est quand t'arrives au coin, ouais. Tu peux pas couper tes pièces de monnaie. Non? Mais avec quoi? Je sais pas, j'imagine que tu pourrais. Ben, je sais pas, je sais que tu peux couper de la céramique, là, mais t'as des machines pour ça. Je sais pas si avec ça, tu peux couper tes pièces de monnaie. Très bonne question, je sais pas. Et moi, je sais que je serais très, très obsessif compulsif et j'aurais de la misère à voir un mur, soit que les pièces sont pas tous du même côté ou en alternance pile et face, et je serais pas capable s'il était pas à l'endroit, genre... droitement placé pour qu'on voit le texte. Il faut que ce soit droit. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit droit, alors que dans l'image-là, c'est clairement pas droit. Donc, on a le... Non, mais le texte apparaît pas, mais je veux dire, faut que tu le mettes exactement à la même distance. Sinon, c'est vraiment pas beau. Non, ça, moi, je les collerai les unes sur les autres, c'est pas mal ça. Ensuite, tiens, ceux qui ont des grosses poitrines... Chez les femmes et les hommes, là, aucune discrimination. Non, c'est non, une pas grosse poitrine. Donc, à la plage, vous avez de la misère à vous coucher à plat ventre sur une couverture. Donc, on nous montre en dessin ici comment mettre juste du sable en dessous de la portion qui est au-dessus de vos seins, de votre couverture, votre serviette de plage. Ah, elle creuse des trous pour ses seins. Elle creuse des trous pour ses seins. C'est magnifique. Génial. Très bien ça. J'adore. c'est très drôle. Je m'imagine déjà le faire cet été. Ah oui. C'est sûr, j'essaye ça. Tu m'en donneras des nouvelles. J'aimerais ça pouvoir le faire dans mon lit aussi, des fois. Creuser un petit trou dans le matelas. Ça doit exister des matelas faits pour. Ben oui, pour tu ça. Peux juste te coucher à un endroit. Sûrement. Ben c'est non, c'est ordinaire. Ouais, en tout cas, ça me dit quelque chose, ce gadget-là, mais bon. Ensuite. Ah, tiens, ça c'est bon. Couper des cerises en deux et tremper-les dans du yogourt. Ensuite, geler vos fraises au yogourt pour faire de délicieuses collations. OK, fait qu'il faut que tu trempes des cerises puis tu fasses geler les fraises, c'est ça? Non, des fraises. Mais t'as des cerises. Excuse-moi. Ben, j'avais déjà vu ça. Moi, je conseille dans le yogourt grec, ça va tenir beaucoup mieux autour de votre fruit. Et peut-être même faire congeler vos fruits avant. Après, t'es fait tremper puis t'es recongèles sur du papier parchemin ou du papier ciré. Oh, bonne idée. Ben, ça collera pas. Pour ça, tu peux le mettre dans un Ziploc une fois que c'est gelé. D'après moi, c'est vraiment très bon. Puis ça fait longtemps que je veux l'essayer. Non. On va tous faire ça en fin de semaine. C'est la prochaine affaire à essayer. On a tout le temps au moins une chose à essayer ensemble. Séparément. Ensuite, si vous avez des sourcils qui ont tendance à être un petit peu ébouriffés, si on veut, on dit de recycler une vieille brosse à dents ou une brosse de mascara, tu sais, le truc qui va dans le mascara, d'envoyer un petit peu de spray net, donc du fixatif. OK. Et ensuite de passer ça dans vos sourcils pour les remettre à l'endroit et tous dans le bon sens. Ah! Et être super clean. Sais-tu ce que je faisais quand j'étais adolescente? Non. Je m'achetais du mascara transparent. Ça se vendait. Hein? Du mascara transparent juste pour donner un petit lustré dans les cils. Okay. Ça doit encore exister. Moi, je prenais ça, puis je faisais mes sourcils avec. Je brossais mes sourcils, puis ça restait en place. C'est une très bonne idée. J'aime ça. Ben, j'ai des poils de sourcils qui s'ébouriffent facilement. Un poilu. Oui. Je dois souvent me repeigner les sourcils. Oh non! Comment réussis-tu à vivre avec ça? C'est le problème. ensuite, tiens, on va y aller avec celui-là ici. Les tiroirs de votre commode, de vos t-shirts, finalement. Ça prend de la place, les bobettes et tout ça. Ça prend tout le temps de la place parce que tu fais juste plier ça puis ça crée ça dans le tiroir. C'est pas assez. On connaît tous la technique dans les valises de rouler ses vêtements. Ça mais prend oui. beaucoup moins de place. Pourquoi ne pas faire un peu la même chose dans votre tiroir? J'ai une photo sur assemblagerequis.com qui vous montre comment faire. Prenez votre t-shirt, vous pliez en deux à la verticale. Ensuite, vous pliez les manches à l'intérieur. Vous repliez, encore une fois, même ici du côté plus horizontal, et une autre fois. Et puis, c'est même pas une question de rouler, c'est juste de plier, mais en vraiment tout petit, ça fait des plus petits manchons. Des petits paquets. Des petits paquets de t-shirts, et il en rentre une bonne vingtaine par mais colonne. Mais en fait, il faut que tu les places debout. Debout, ah, c'est comme ça l'indice. Comme ça, tu peux voir tous tes t-shirts au lieu de les empiler. Tu les places un peu comme... C'est comme si tu cherchais des CD, oui, c'est ça. Placés par en haut, là, dans un tiroir. C'est à la place d'être Archambault, c'est Archandail. Archandail. Non, c'est pas vrai. Ouais. Archandail, je trouvais pas super. Ensuite, tiens, aplatissez une tranche de pain. D'accord? Du bon pain, là, du pain vraiment santé. Là. Couvrez ça de beurre d'arachide. Je sais pas. Tu peux le faire, tu peux pas santé aussi, dans mon cas. Tu le couvres de beurre d'arachide et tu le roules alentour d'une banane. Et tu tranches ça comme du sushi. OK? Et tu rajoutes un petit coulis de miel. Ça va faire comme les sushis dessert. Tu comprends-tu? Donc, tu aplatis ton pain avec du beurre d'arachide dessus. Tu roules une banane dans ce pain-là. Et ensuite, tu tranches ça et tu mets du miel dessus. Est-ce qu'on se comprend? Oui, mais c'est pas moins compliqué de se faire des toasts beurre de peanuts banane. C'est aussi beau, tu pourrais manger avec des baguettes. Hein? Mais c'est gossant, je commencerai pas à déjeuner aux baguettes. C'est pour un déjeuner spécial avec tes rabat-joie, un déjeuner spécial romantique. Ben oui, mais il y a rien de spécial, j'ai mangé ça un matin, je l'ai juste pour rouler. C'est du beurre de peanuts, quoi. Ça goûte la même chose. Je suis comme zéro turn-off. C'est le coulis de miel qui vient... Mais c'est tes toasts. Carlin. Mais ça, c'était tos! Tiens, le prochain fit très bien avec ce que tu viens tout juste de me dire. Moi, tu mets ça, c'était tos? Ouais, c'est ça. Ça dit donc la phrase est mets ça, c'était tos. Tu vois, c'est une belle phrase de Confucius. Non, moins tu réponds aux gens négatifs dans ta vie, plus ta vie sera paisible. Mais c'est quoi, tu veux plus me parler, là? Non, je veux très beaucoup te parler. Mais je trouvais que ça fitait très bien avec ce que tu venais de faire. De gâcher. Hey, là, je vais en voir. T'es fine, Steph. Je t'apprécie énormément. Tu sais, les serviettes pour bébé que tu utilises dans la vie, il y en a qui se mentent. Les serviettes pour bébé, c'est pour les bébés. On s'entend, on a des serviettes pour les fesses, pour les adultes. On a pas besoin des serviettes pour adultes, c'est des serviettes pour les fesses. Mais utilisez pas ça pour enlever votre maquillage. On nous dit que c'est très, très mauvais. Il y a plein de choses qui ne sont pas faites pour être sur la face. On ne nous dit pas lesquelles, mais faites-le juste pas. Suivez nos instructions comme si on avait la vérité infuse. Hein? Qu'est-ce que tu peux pas te mettre dans la face? Des serviettes pour bébé. Mais comme déjà avec du produit dedans? Du produit dedans. Mais ben pour, non. C'est fait pour les fesses de bébé. Celle pour le maquillage s'appelle des serviettes pour le maquillage. Serviettes humides pour le maquillage. Ben, il me semble que c'est évident. Ben, il me semble que c'est évident, mais il y en a qui ne savent pas parce qu'ils disent c'est une serviette, c'est humide, ça va dans ma face, ça va dans mon cul. T'sais. Ou le contraire, bref. Ils disent ça comme ils veulent. Ensuite, tu sais, truc pour les mascaras. Je crois qu'on avait déjà fait un truc pour les mascaras et tu m'avais dit que ça fonctionnait pas. Celui-là va peut-être fonctionner mieux. On dit qu'un mascara typique va sécher à peu près après que la moitié a été utilisée. Selon certaines utilisations, t'es rendu sur la moitié et ça commence déjà à sécher. Quand ton mascara préféré commence à sécher, ajoutez 4 à 5 gouttes de solution saline, donc de solution pour les yeux. Vous savez, des petites gouttelettes pour les yeux. On rajoute ça dans la bouteille, on insère la baguette, le petit manche, et on brasse. Et tada! Hein, apparemment qu'on a du mascara tout neuf. Ça peut être répété 2 à 3 fois ou jusqu'à ce que tu n'aies plus de mascara. Est-ce que ça risque de fonctionner selon toi? Ben peut-être que ça fonctionne, mais comme j'avais déjà dit, du mascara, après 3 mois, tu jettes ça. Oui. C'est full bactéries, tu te mets pas ça dans les yeux. Mmh. Et puis moi, j'en mets à tous les jours du mascara, puis j'ai jamais vidé une bouteille de mascara. Non. Ah. Après 3 mois, t'es pas encore terminé, tu l'as acheté. Mais non, là, je commençais, ça commençait à changer de texture un peu. Puis je fais, commence à être vieux. J'essaye pas de le ressusciter. Tu le sacs au vidange, puis t'en prends un autre. Là. Pense à autre chose, vidange présent. Ça me tente pas de m'infecter les yeux. T'as bien raison. Quelques petits derniers, tiens. Quand tu joues au roche-papier-ciseaux, il y a une étude. Il y a des gens qui ont fait une étude là-dessus. Roche-papier-ciseaux, le jeu très populaire. Oui, que le papier a l'air faible. Le papier a l'air faible et mou. Et pourtant, il y a autant de chances que les autres de gagner. C'est 33,33 pour chaque. Tu vois-tu ma main en forme de papier? Je la vois. Ça allait vous donner une claque. Ah, c'est ça, j'allais dire. Tasse-toi. Je veux pas avoir. Parle à ma main. Ouais, qu'est-ce que tu disais? Quand tu joues au roche-papier-ciseau, selon une étude, les femmes ont plus de chances, de probabilité de jouer le ciseau. Dites-moi, ça a l'air bizarre. Et les hommes ont plus de probabilité de prendre la roche. Moi, je prends toujours la roche. Tu vois, t'es un gars manqué. Peut-être. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est très drôle parce que. J'ai joué récemment à roche-papier-ciseaux avec mon chum. Je sais pas si c'était pour sortir les poubelles. Puis on s'est rendu compte, les deux, on s'attaquait à coups de roche sans arrêt. Puis c'était un méga fail. C'est un couple qui va durer longtemps, ça. Ça n'a pas le choix. Les deux sont roche. Mais oui. C'est comme le rock. Ça, c'est rock. Et finalement, l'huile de noix de coco est très bonne pour revitaliser les cheveux, nous dit-on. Donc, il y a des versions plus solides de l'huile de noix de coco qui sont disponibles en épicerie. On peut faire la cuisine avec ça, on peut faire cuire des choses dedans. C'est disponible donc en version un petit peu plus solide, plus pâteuse. Et ça fait apparemment un très bon traitement pour les cheveux, pour la réparation des cheveux. Donc, l'huile de noix de coco en version solide. Voilà. Ah. Donc, du gras de noix de coco. C'est tout pour cette première partie.

Malheureusement, JP était beaucoup trop talentueux pour TVA. J'avais oublié. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a fait que j'avais tout oublié ça. Ah, c'était bon. C'était les toutes nouvelles péripéties de JP. Épisode 9, on a un 10e épisode. La semaine prochaine, faut qu'on se le dise, là, on a tellement passé de temps sans en jouer que... Passer outre ce fabuleux périple. Hey, on a même un gag alternatif. Ben oui, comment c'est un bonus, Paris. Ah, donc voilà pour les péripéties de JP. On fait ça ponctuellement à Assemblage Requis. Retrouvez tous les montages précédents sur assemblagerequis.com dans la section Un instant classique. Et voilà, si vous voulez un peu comprendre ce qui se passe dans sa vie là, à JP, je pense qu'il se cherche un peu. C'est comme dans Lost, faut vraiment suivre ça dans l'ordre. Dans cherche, ben dans, faut, c'est comme dans Lost, faut suivre les aventures dans Lost. L'ordre. C'est comme dans le Loft. Loft Story, ben ça aussi, tu manques un épisode puis tout perdu. Ben oui, c'était tellement profond. Je sais pas comme, si comme programme. Est-ce que tu penses que JP va s'inscrire à une télé-réalité un jour? Peut-être, hein? On sait pas. Ah, intéressant. Je vais les suggérer. avant de continuer avec la malbouffe de la semaine. Petite chanson tantôt, je sais pas si tu te rappelles, Steph. Au début de l'émission, on a eu Winter de Rex Mathematics. Après ça, on a eu Le Roi Soleil. Oui, un petit peu réchauffer nos cœurs. Ouais, après ça, on a eu Auguste, trois jours en hiver. Ouais, c'est revenu. Je sais pas. Printemps, non, hein? Ben, peut-être, je sais pas. Survenu. Ben, je pense que oui. Moi, c'est le réseau, hein. C'est le réseau qui choisit les pièces musicales assez fous de rien avant, vous le savez. Pas vrai du tout. Donc, on s'en va entendre Young Summer de Pine Tarts. Yay! Young Summer, l'été est jeune, en fait, il a même pas commencé encore. Hein. Tellement jeune. Petit bébé dans le ventre, là. Un chef fœtus d'été. Ah! La marde. Ben, faut remplacer un mot dans l'intro, hein? Ça répète un autre. Donc, c'est la belle mot de la semaine. Oh, oui! Yes, sir! Scooby-Doo! C'est la malbouffe de la semaine. Comment? Répète-moi ça. La malbouffe de la semaine? Non, la malbouffe de la semaine. Où on goûte à quelque chose de mauvais. Parce que des fois... De mauvais pour la santé, pas dans la bouche. Ben non, évidemment. Mais tu sais, tu nous as tellement fait de bouffe de la semaine depuis le début de l'année scolaire que je me suis dit, gars, laisse faire ta bouffe de la semaine. Sérieux, trop santé pour moi. Deux semaines d'affilée, ça marche pas. Tu me tasses, là? Je te tasse officiellement pour faire seulement aujourd'hui la malbouffe de la semaine. Ah ben, Colin. Et aujourd'hui, je t'ai réservé ça dans un petit sac d'épicerie IGA et j'ai vu que, ben, premièrement, je l'ai caché sous la table et tu es allée jusqu'en dessous de la table tellement t'es curieuse de savoir qu'est-ce que c'est dans mon sac qu'on entend ici. C'est très beau. Un sac d'épicerie traditionnel. Tout ce qu'il y a de plus traditionnel. T'as pas de sac réutilisable, toi? Ouais, j'ai ça, mais pas cette fois-ci, apparemment. donc, je te sors, attention, je te sors ici. Ah ouais, sors-moi. Oups, c'est pas très original, c'est des Werther's Original à saveur de café, Steph. Ah, café! Je n'avais jamais vu ça. Caramel au café! J'avais vu au caramel, j'avais vu aux pommes caramel, mais jamais au café et caramel. Caramel au café. Ça a très, très bon, donc je me suis dit qu'on pourrait se gâter avec ça. Parlons-en des Werther's Original. On connaît tous la compagnie Stork qui fabrique ces Werther's-là. La recette authentique, nous disent-ils, sous leur petite image de deux carafes de crème en train de se verser dans quelque chose, mais on voit pas ce que c'est. Ça verse. Vite sur la terre. Probablement, ici, c'est du gaspillage. Ça dit sans sucre ajouté, no sugar added. Arôme naturel et artificiel, natural and artificial flavors. On le montre sur la couverture avec le bonbon sur une soucoupe et une tasse de café avec lui-même une saveur de caramel café dedans. Ah, bien sûr. C'est une mise en abîme, sûrement. J'imagine pas vraiment. Ça dit que c'est sucré avec de l'isomalt, édulcoré, pardon. Faut dire édulcoré quand c'est pas du vrai sucre, à l'isomalt et à l'acésulfame de potassium. Donc, est-ce que c'est un point contre de l'acésulfame de potassium? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aime ou qu'on aime pas, ça? Mais je sais pas, moi. C'est pas est-ce que ben c'est, justement, que c'est quelque chose que tu connais pas. T'es peut-être mieux de pas te mettre ça dans la bouche. C'est ça. On sait pas si c'est du sucre à l'eau ou c'est ce que ça veut dire, bref. Ben, c'est ça. C'est sans sucre ajouté puis c'est sucré. Ça risque d'être sucré avec du faux sucre. Est-ce que tu as vu, est-ce qu'il y avait la version traditionnelle avec sucre? Je l'ai pas vu. Je t'as sais pas vu? OK. Non, j'ai pas regardé. On peut aller voir, par contre, tantôt sur Internet, si tu veux. On dit que, attention, deux points! C'est marqué, attention, deux points. Non, mais il n'y a pas de point d'exclamation, non. Comme toi. Non, c'est ça. Les bonbons durs peuvent être avalés par inadvertance et causer la suffocation. Attention. La suffocation. Information concernant les allergies peut aussi contenir des traces de noisettes, d'amandes, d'arachides et d'autres noix. On dit... J'avais pas vu ça. Je trouve ça génial. Attention, une consommation excessive peut avoir un effet laxatif. Wow! Ah, je sais pas si c'est le sucralose qui fait ça. Je sais pas, je m'attendais vraiment pas à lire ça ce matin. Le caramel le plus apprécié au monde, c'est la marque de commerce de Stork, évidemment. Ingrédient isomalt, donc vraiment le faux sucre édulcoré à l'isomalt est en première position sur les ben ingrédients. Ben oui, c'est juste des morceaux de sucre, ça, là. Ensuite, crème, beurre, arôme naturel et artificiel, sel, colorant, café, il y a du café. Lysine de soya, acésulfame de potassium, qui est un édulcorant, acésulfame de potassium, 2,5 mg par portion de 5 grammes, donc c'est la moitié de chaque bonbon, qui est composé d'acésulfame de potassium. Ça dit de garder au frais et au sec. Et là, c'est étrange parce que tantôt, ils disaient attention, deux points. Okay? Alors que là, ils disent garder au frais et au sec, point d'exclamation. Oh, donc, c'est plus important de le garder frais et au sec que ça peut te faire chier dans tes culottes. Oui, ou suffoquer. C'est ça, je pense que les priorités ne sont pas nécessairement à la bonne place. 15 calories pour un ou deux bonbons. Les valeurs nutritives sont quand même floues. Ça nous dit pour un à deux bonbons. Ah! J'aimerais ça que tu me dises pour un, m'a multiplié par deux tout seul, tu sais. Mais bon. Non, mais c'est parce que probablement que le poids est changé. Mais on va faire ça juste pour être certain. On va en prendre deux. Ben oui, un dans chaque joue. Donc par un dans bonbons. Chaque narine. Je me fais reprendre à chaque jour de ces temps-ci parce que tu sais, je fais mon irrigation nasale comme j'ai parlé quelques semaines à Saint-Lazé. Oui, super intéressant. On s'en rappelle. Je me fais reprendre pour le mot narine. J'ai dit t'as narine sans faire exprès. Je sais, c'est moi qui t'ai repris. Mais ma blonde aussi. C'est vrai? Ouais. Ben, je suis tout en bord. Ben, c'est ça, c'est narine, hein? Mais moi, je dis narine, je sais pas. C'est mon petit côté trifluvien qui revient une fois de temps en temps. Donc, on revient encore aux valeurs nutritives depuis 5 minutes. Calories pour un ou deux bonbons, 15. On dit gras. C'est très raisonnable, je pense, côté calories. Ouais. Côté lipides, 0,3 g, 0%. Gras trans, 1%. Ça compte, OK, dans les lipides, ça compte les saturés. Non, et mais les dis pas en pourcentage, dis en grammes. Parfait, excuse-moi, je connais pas ça. 0 g de gras trans, 0,2 de gras saturé et 0,3 en tout de gras lipides. OK. Ensuite, sodium 20 mg, glucides 5, polyalcool 4, protéines 0 g, vitamine A 2%. Une petite dose de vitamine A, faudrait que j'en prenne donc 50 parce que pour le... avoir mon 100%. Ouais, non, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est parce que non, mais le problème de donner les chiffres en pourcentage, c'est que c'est basé sur une personne standard. Oui. Donc, ça sera peut-être pas ton pourcentage à... Tu sais, ton pourcentage à toi ne sera peut-être pas le mien. Donc, c'est peut-être plus facile pour les gens à la maison d'associer ça à eux avec la quantité en grammes. Voilà. C'est bien à savoir ça. Donc, je crois que j'ai tout lu, à part à consommer avant le 31 mai 2014, et que le code-barre est le 727-99-33-950. Pas de problème. Moi, je trouve ça très drôle, une barre de chocolat que j'ai un an pour la manger. C'est comme... Hey, franchement. Franchement, voir que je vais te dire, hey, donne-moi pas tout ce temps-là, ça marche pas de même pendant tout le temps. Je suis pas sûr si on est capable de se rendre au micro magique aujourd'hui. Ben, le micro magique, je parle dedans. Voilà, je t'ai twisté un autre micro magique, okay. Ma chère. Tu vas te servir de celui-là. C'est bon, hein? Donc, je te lance le sac de Werther's. Moi, ça va être loin. Un sac de Werther's Original. Bonbon dur au caramel, au café. Je te lance ça. Youp! Voilà. Bien attrapé. On est un team de la mort, l'équipe d'enfer. En fait, je pense que le 4 fonctionne, Stéphanie. Donc, on va te donner le 4. Je sais, je te le pointe depuis tantôt. Ben, je te passe déjà pour ça. Micro magique. C'est agréable. Beau petit son. Dur à ouvrir comme tous les sacs de bonbons. C'est ça, on dirait qu'ils veulent tout le temps qu'on le déchire pour justement pas pouvoir le refermer, tu comprends? Je pense que c'est du plastique super intense, là. Merci beaucoup. Donc, on va encore une fois ouvrir le bonbon lui-même parce que chacun est emballé individuellement. Ils sont de très petite grandeur, je trouve. Je suis habitué de les voir, il me semble, plus gros que ça, les Werther's. C'est vrai qu'ils sont comme miniatures. Et le sac n'est pas pareil. D'habitude, il y a un petit twist sur les côtés comme un bonbon normal. Ici, c'est vraiment des emballages d'aluminium, un peu comme un mini chocolat. Tu sais, les fun size de chocolat. Donc, même chose, mais pour un bonbon. Donc, allons-y, micro magique. Je baisse la trame. Je fais ça. Ben, c'est fait. Ben, c'est fait. C'était pas très compliqué. C'est quand même plaisant comme son. Il est tellement beau! Ah, vraiment? C'est comme des petits tourbillons de caramel et de café. Il imite la tasse de café qu'on voit sur le design de l'emballage. Je le trouve tellement beau. Il est tout luisant, tout collant, tout appétissant. C'est psychédélique presque, hein? Est-ce que tu l'as pris dans ta main? Oui, moi, je le prends à même le papier d'aluminium. Ouais, parce que toi, t'es une, comment je dirais ça, une mauviette. Une chochotte, exactement. Une chochotte. Attention, on va se le mettre dans la bouche encore une fois. Là, c'est vrai, je baisse la trame. Oh! Le goût de café est super intense. Wow! Mais c'est donc ben bon. OK, non, je suis conquis. Et c'est des bonbons durs, donc ils vont rester longtemps dans la bouche et la saveur de café va envelopper les joues, la langue, le palais. Et nous donner une haleine... fort ragoûteuse. Ben, je me demande... Ragoûtante. C'est ce qu'on n'a jamais compris. Je crois que la question se pose, pourquoi est-ce que le café donne mauvaise haleine alors que le café sent si bon? Est-ce que le bonbon, étant donné que c'est de la saveur de café, est-ce que la saveur va donner une haleine de café et non pas une haleine de ce que le café ferait d'habitude comme haleine? Est-ce que je comprends? Ça fait évidemment très, très salivé, ces bonbons-là. Les Werther's sont reconnus pour ça. Mais non... Le sucralose, ou peu importe si c'est ça ou pas, l'acésulfame de potassium ne goûte pas le diète du tout. Non, non, ça ne goûte pas aucunement le sucralose. Donc, un point fort pour moi, parce que je trouve ça vraiment dégueulasse. Là. Est-ce que tu goûtes beaucoup de caramel dedans? Moi, quand même, un petit soupçon, mais je goûte plus le café. Évidemment, c'est caramel et café, mais café prime, je trouve. Mais en fait, c'est comme ça donne un petit sucré au café, au lieu de venir voler la vedette au café. Puis, tu sais... Tu dis malbouffe, mais je pense que pour quelqu'un qui veut quand même faire attention à ce qu'il consomme puis qui a une rage de sucre, je pense que manger un petit bonbon comme ça, il n'y a rien de mal. Là. C'est moins de 15 calories. Il y a pratiquement pas de gras. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas de sucre, ben oui, un peu, là, mais c'est quand même très léger puis ça peut aider pour les rages aussi. Oui, tout à fait, c'est ça. Et c'est une autre bonne question à se poser aussi. Question plus... de la chronique en tant que telle, tu sais. Où est la ligne entre bouffe et malbouffe? Est-ce que toi, t'aurais mis ça dans la bouffe de la semaine? Non, moi, j'aurais pas mis ça dans la bouffe de la semaine. Donc, tu vois, si c'est pas bouffe de la semaine, pour moi, c'est automatiquement malbouffe, même si en tant que telle, c'est pas de la malbouffe. Mais je pense que un bonbon comme ça, à l'occasion... Par jour? Même un bonbon... Non, même un bonbon comme ça par jour, Je pense pas qu'il y ait de problème. Là. Tu sais, c'est moins de 15 calories, puis ça dure vraiment longtemps. Ben oui. Donc, ça peut facilement contenter une petite rage de sucre. Moi, je mordrais jamais ça. Je casserais pas ce bonbon-là. Je vais le garder jusqu'à la fin, jusqu'à ce que mort s'en suive, pour vrai. Ben oui. C'est sûr, et en mettre un autre ensuite. Fort probablement. Ah, on a découvert, encore une fois, le poteau rose, l'or du Manitoba, etc., je sais pas, là, l'Alberta, peu importe. On a trouvé notre bonbon, en tout cas, moi, mon bonbon que je vais adorer pour les années à venir. Encore plus que le pomme caramel. On avait goûté le pomme caramel hors onde. La chronique n'existait pas encore à ce moment-là, malheureusement. mais j'avais pas autant trippé. C'était bon, pomme caramel, parce que moi, dans les beignes, dans les beignets, pomme caramel, c'est un de mes préférés, j'adore. Je trouvais que le bonbon n'était pas aussi bon que le beigne. Dans ce cas-ci, c'est aussi bon qu'un café caramel macchiato ou peu importe, c'est aussi bon ça. Mais on dirait que plus je le suce, ouais, moins ça goûte le café. OK, le caramel, j'ai ou... Je sais pas si c'est une accoutumance, mais en tout cas, le goût reste bon, mais je sens moins le café intense. Et moi, ce qui me surprend, c'est justement le sans sucre ajouté qui ne goûte pas. Oui. Parce que j'avais déjà goûté leur version bonbon au beurre sans sucre ajouté et j'avais été vraiment déçue. Oui, je me rappelle aussi d'avoir goûté ça. C'est probablement moi qui t'avais amené ça. Probablement, oui. Mais la satisfaction quand t'as goûté l'autre bonbon au beurre, c'était vraiment pas la même avec le sans sucre ajouté. Et on s'entend que le bonbon au beurre, là, tu peux pas battre ça, même avec le café. Là, je veux dire, c'est juste tellement délicieux, le bonbon au beurre. C'est génial. Werther's, donc encore une fois, des fois ils réussissent, des fois ils ratent leur coup. Dans ce cas-ci, c'est très très réussi. Les Werther's Original, bonbons durs au caramel au café, avec arôme naturel et artificiel, disponible en magasin. On vous conseille ça énormément. Et encore une fois, tous les produits de Werther's, avec quelques exceptions, sont gnom gnom gnom gnom. Voilà pour la malbouffe de la semaine. En général, la bouffe de la semaine aussi. La semaine prochaine, le retour de la bouffe de la semaine, on peut se dire... Non, je suis pas là jeudi prochain. Non, t'es là jeudi prochain. Clignement des yeux, t'es là jeudi prochain. Ouais, mais je pense pas que je vais faire la bouffe de la semaine. Tu pourras pas faire la bouffe de la semaine, à moins que... Peut-être qu'il va... Ouais, il va y avoir une bouffe de la semaine. Je vais m'arranger pour on ça. On va voir, finalement. ça a l'air flou, vous comprenez rien, vous avez c'est normal. Compris, mais restez à l'écoute, vous allez comprendre. Et voilà. Restez à l'écoute pour la semaine prochaine. Toute la semaine prochaine, la semaine du 24 mars. Du 24 au 27. Oui. Ce sera exactement. Des éditions spéciales d'Assemblage requis. Soyez-y. Je sais que tout le monde s'en sac, là, mais le 27 mars, c'est la fête à mon papa que j'aime. Ah, bonne fête, papa que t'aimes. Et que je connais pas. Sinon, je l'aimerais sûrement. donc voilà, c'est tout pour la boule de la semaine. On se quitte là-dessus et on termine l'émission aussi tant qu'à être en train de terminer des choses. Terminons tout en même temps. Moi, je termine mon bonbon. Non, moi, je le commence. Je parle en même temps tout le temps, fait que ils font pas. Bon, donc, on remercie François Landry pour sa chronique Logocratie 101. C'est le seul qui a participé à l'émission d'aujourd'hui dans nos chroniqueurs. Sinon, lundi à l'émission, on va débuter une série d'entrevues avec les candidats aux élections de l'AGUQTR. Ça commence le 24. Ensuite, on va apprendre des choses plus ou moins utiles à savoir dans la chronique C'est un fait. Donc, c'est Assemblage requis. Lundi, entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30, c'est évidemment Jean-Philippe Charbonneau. Mais bien sûr. Qui va être là à l'animation lundi. Allez voir cif.ca pour la programmation complète qui inclut aujourd'hui, entre autres, le dîner de con à 11h. Comme toujours, à 13h, c'est Mademoiselle Blues. À 15h, Steph et moi allons être de retour pour les palmarès C'est fou. Qui ça? Stéphanie Paradis, toi, là? Ah, c'est moi, OK. C'est toi. Pendant 3h, donc les palmarès C'est fou. À 18h, sera à livre ouvert. 19h, 13e étage, cifou.ca, assemblagerequis.com pour une note de l'émission Les Balado-Diffusion. Bonne fin de semaine, Stéphanie! Bonne fin de semaine, Mathieu! Yeah. On s'applaudit pour cette belle semaine. Bravo! On applaudit les bonbons! Oui, on applaudit les bonbons, on applaudit les requins aussi. Ah oui, bravo! Hey! On applaudit Danny qui a encore oublié sa carte pour rentrer dans le bureau. Encore, et toute l'équipe de C'est fou. Bye! Hey! Et on arrête l'applaudissement. Oh, la foule! Vous avez soif de nouvelles musiques? La foule m'écoute pas! De nouveaux groupes?